On était un samedi matin. Marine regardait Adam. Celui-ci lui faisait face. Il avait les yeux clos. Il devait être fatigué. Il avait bossé toute la semaine. Le sommeil le gagna. Le couple faisait route vers Paris. Adam avait prévu tout un petit programme pour ce week-end de mai. Il avait réservé in extremis deux places dans le Thalys. Pareil pour une chambre dans un hôtel de Montreuil. Pour le reste, il avait laissé les doutes et les questions cheminer lentement dans l'esprit de son amie. Il savait qu'elle n'aimait pas les surprises. Mais là, elle était au courant du fait qu'il séjournerait dans la capitale française et cela lui suffisait. Marine avait déjà été à Paris, au musée d'Orsay et aussi au salon de la littérature érotique qui s'était tenu à la rue Saint-Martin, au lieu du Paris un peu coquin, d'après ce qu'on en disait. Il faisait doux, on était au week-end de Pentecôte, un lundi férié ça faisait du bien. Adam sommeillait, bercé par le roulis du train. Marine se plongea dans son bouquin d'Amélie Nothomb. Cela se lisait vite. Et ensuite, l'histoire vous trottait en tête longuement. C'était d'ailleurs souvent des récits autobiographiques. Elle se disait que pour écrire des choses aussi désespérées de cette manière, il fallait qu'elles aient été vécues. Elle ne connaissait pas réellement la vie de l'auteur, mais ses narrations de mère toxique, d'amoureux éconduits, de meilleure amie perverse narcissique, ça n'augurait rien de rigolo. Toujours est-il que Marine aimait beaucoup ce style. La richesse du vocabulaire. Bref, elle goûtait l'écriture et elle guettait la sortie estivale de chacun des romans. Cela coïncidait à peu près avec son anniversaire. Elle avait donc lu toute la littérature puisque chaque année, on lui offrait le dernier Amélie Nothomb. Ici, elle avait repris Ante Crista, un de ses préférés. Une histoire d'amis ennemis qui manipule l'héroïne de manière éhontée. Elle adorait. De temps en temps, elle relevait la tête et jetait un coup d'œil par la fenêtre. Elle avait rejoint Adam le soir précédent dans son appart, une chambre dans une coloc plutôt. Enfin, c'était sympa. Elle n'y avait jamais été. C'était près de son boulot à lui, cela lui permettait d'économiser temps et fatigue les soirs où il travaillait tard. Ils étaient allés manger un bout et puis étaient rentrés. Ils étaient fatigués, elle de sa semaine de cours au collège et lui de ses nuits qu'il avait enchaînées. Il s'était endormi tôt, le jeune homme avait cependant encore du sommeil à rattraper. Un arrêt à Lille, le suivant serait leur destination. Il faudrait prendre le métro jusqu'à Robespierre, marcher 1 kilomètre et ce soir, Adam lui avait promis une première surprise. Elle n'avait aucune idée de ce que cela pouvait être. Mais elle s'était bien gardée de lui poser quoi que ce soit comme question. On verrait. Il lui avait juste dit « Il faut qu'on soit à Paris pour 13 euros plus tard » avec ce petit air mystérieux. Le Thalys les débarqua donc à 12h35 à Paris. « Tu as très faim ?» Non, pas vraiment. Un sandwich, ça te suffit? Ok, pas de souci. Ils repérèrent une croissanterie à la gare du Nord. Elle proposait des pains fourrés, des salades et des boissons. C'était parfait. Métro jusqu'à l'hôtel pour y déposer les bagages. Ouf, il était dans les temps. Mais les temps de quoi? Tu penses que tu pourrais t'occuper seule jusqu'à mon retour? Là, Marine la trouva saumâtre. Quoi? On venait à Paris et Adam la plantait là pour faire je ne sais quoi. Tu pourrais aller faire un tour sur les quais de la Seine, je sais que tu aimes ça, lui dit-il en lui faisant un clin d'œil. La jeune femme eut un petit sourire, mais cela devait être trop loin pour y aller à pied. Et comme elle avait déjà été enfermée dans le train pendant 1h30, elle réfléchit à autre chose. Tu permets ? Il y a quelque chose que j'aimerais aller visiter. J'ai vu l'une ou l'autre vidéo de présentation sur YouTube. Et ça m'a l'air vraiment à part. Je pourrais venir te chercher quand j'ai fini? C'est loin? Attends, je vérifie. Marine tapa l'adresse de l'atelier des Lumières sur sa tablette. C'était à peine une demi-heure de l'hôtel à pied. T'as pas peur de marcher ? Ça irait après ton occupation ? Oui, je devrais être debout, mais bon, je suppose que je pourrais m'asseoir un peu. Et j'en ai pour 2 heures, grand max. Eh bien, ça roule, je t'attendrai à la sortie du bâtiment. C'est quoi ton truc ? Oh, tu fais discret. Eh bien, moi, je fais pareil. Ça, il l'avait bien cherché. Elle mit des chaussures plates, prit son fourre-tout et, toute frétillante, elle se dirigea vers la porte de la chambre. « À tout à l'heure !»« Je t'envoie un SMS quand j'ai fini. »« Tu me rejoindras combien de temps plus tard ?»« Moins d'une heure, je dirais 45 minutes. »« Ok, on aura des choses à se raconter. »« Ah ça non, du moins pas moi. La surprise est prévue pour ce soir. » Marine n'arriverait pas à savoir de quoi il s'agissait. Découvrons maintenant ce qu'Adam va faire de son côté. Eh bien, cela n'avait pas été facile de se débarrasser de Marine. C'est pas ça. Il brûlait d'impatience de lui expliquer, de lui raconter ce qu'ils allaient faire de leur soirée. Adam s'était bien gardé de vendre la mèche. D'un pas alerte, il rejoignit l'endroit où allait se produire Apolline, parce que oui, c'était bien d'elle qu'il s'agissait. Simon lui avait téléphoné quelques semaines auparavant pour lui proposer de venir sonoriser la jeune fille dans cette salle, tout à fait intimiste. C'était un café-concert avec un espace-bar et un espace-concert. La soirée s'articulerait autour de 2 concerts. Celui de la chanteuse, qui s'accompagnait à la guitare, prestation pratiquement acoustique. L'autre concert, c'était un duo à la limite du rap. Les genres étaient très différents, mais les programmateurs veillaient à contenter des publics divers. Souvent, les gens qui assistaient aux concerts venaient d'univers hétéroclites. C'était la force de cette petite salle. Faire connaître à chacun une musique aux antipodes de ce qu'il écoutait habituellement. Là, le mélange était bien réussi. Adam ne connaissait pas le lieu. L'hôtel qu'il avait choisi pour leur nuit parisienne se trouvait à moins d'un kilomètre de la salle. Comme il faisait très doux et qu'il ne pleuvrait sûrement pas de tout le week-end, il pourrait faire les trajets à pied, même pour rentrer après le concert. Le jeune homme arriva, son petit sac à dos noir à l'épaule, comme toujours. Il retrouva Simon et Apolline. Les câblages pour le micro-chant et celui pour la guitare étaient déjà faits. Il n'y aurait qu'une petite balance à faire et pas besoin de répéter tout le set. Apolline était prête. Elle avait joué, on s'en souvient, moins d'un mois auparavant. Après s'être rafraîchi, ils se mirent au travail. Il y avait un tabouret haut sur scène. Adam s'installa derrière la console. Simon fut le seul à rester debout. Il aimait se promener dans la salle pour écouter comment cela sonnait, à quelque endroit que l'on se trouve. Mais oui, ce qu'il entendait lui plaisait assez. Il opinait du chef en suivant l'accompagnement de la guitare. Dans ce morceau, Adam en avait oublié le titre, c'était souvent comme ça, l'instrument était plus rageur, il était incisif, mais il fallait que l'impression reste douce, enveloppante et pas agressive. Il appliqua cet infime délai à la voix. Simon retrouvait le mixage qui donnait à Apolline profondeur et légèreté. Il sourit, les yeux rêveurs. Ce serait à nouveau un bon moment. Adam était réellement doué. Il était à peine 15h30 et comme le raccord était terminé, le jeune homme envoya un SMS à son ami. « Voilà, je te rejoins d'ici 16h30. Tu as presque fini ?» Et maintenant, voici le récit de Marine. C'est parfait. Oh, ce que c'est beau, cette expo. Marine était arrivée devant le vieux bâtiment. Pas mal de monde faisait la file. Comme elle n'avait pas de billets prépayés, elle dut attendre un bon moment avant de pouvoir entrer dans l'ancienne fonderie. Il faut dire que Klimt n'était pas spécialement sa tasse de thé, mais les images et la présentation qu'elle avait eu l'occasion de voir sur YouTube l'avaient intriguée. Elle se demandait vraiment à quoi elle devait s'attendre. Quand elle entra dans l'espace d'exposition, elle fut d'emblée prise dans les images. Oui, dans les images. Cela n'avait rien à voir avec ce qu'elle imaginait. Elle avait bien fait de ne pas trop regarder avant. L'effet était saisissant. Une fois la porte franchie, il y avait cette neige qui vous tombait dessus. Ces étoiles aussi. Vous vous sentiez comme soulevé par l'animation que vous découvriez, et c'était réussi. Les musiques d'ambiance choisies étaient tout à fait appropriées. C'était majestueux, onirique. Normal quand on a l'impression de se retrouver au milieu de la Voie lactée, non ? Mais le plus fameux, ce fut la manière dont les tableaux de Klimt et les photographies de lui étaient rendus vivants grâce aux animations. Ceux qui avaient bossé sur l'événement étaient vraiment balèzes. C'était comme un déferlement de couleurs, de grandes bouffées d'émotions visuelles. Bref, c'était magnifique. Elle se dit qu'elle aurait eu envie qu'Adam soit là, à côté d'elle. Qu'elle aurait aimé se blottir contre lui en admirant les peintures chatoyantes qui se déplaçaient de droite à gauche ou de haut en bas dans un formidable enchevêtrement. Quand il serait là, elle lui proposerait de la rejoindre. Elle resterait dans l'endroit et reprofiterait de l'expo. « Viens me retrouver. Envoie-moi un SMS quand tu arrives à l'entrée, je viendrai te chercher. » Il était pratiquement 16h30 quand Adam l'avertit de son arrivée. Quand sa silhouette se dessina dans l'ouverture de la porte, elle le reconnut sans peine et vint se planter devant lui. « C'est trop génial !» Elle lui empoigna la main et le mena à une espèce de petit coin dans lequel il y avait un résumé des projections. Le film se déroulait de la même manière qu'à l'extérieur, mais il était possible d'agrandir photos et tableaux, simplement en posant la main bien à plat sur des espèces de bornes. Ils restèrent un moment dans cette enclave, puis se dirigèrent vers un autre endroit. Si Adam était fatigué du trajet, il aurait l'occasion d'un peu reposer ses pieds. Un bar où il y avait moyen de s'asseoir et de regarder la première projection, celle avec les étoiles et la neige, tout en prenant un verre. Ils étaient donc là, installés à une petite table. Elle était allée chercher deux verres de vin rouge. Elle le sentait las. Il rentrerait à l'hôtel en taxi s'il le souhaitait. À nouveau, Adam fut prêt à s'endormir. Le spectacle était cependant très intéressant, mais la concentration qu'il avait mise pour la micro-répète avec Apolline l'avait fatigué. Quand Marine s'en rendit compte, elle le laissa tranquille. De toute manière, la projection était presque terminée. Ils étaient arrivés alors que le bar était sombre. Les lumières allaient bientôt se rallumer. Il devait rester un quart d'heure de tranquillité. « Adam, on y va ?» Le jeune homme sursauta. Il s'était en effet assoupi. « On fait venir un Uber. Je sais pas s'il y a des métros par ici. » Les yeux remplis de sommeil, il opina, il était vraiment éreinté. La jeune femme prit son GSM, mais il y avait moyen qu'il soit à l'hôtel dans moins d'une demi-heure. Adam pourrait continuer sa sieste. On verrait ce qui se passerait ensuite. De toute manière, comme Marine ne savait pas de quoi serait faite la soirée... De retour dans leur chambre, Adam s'effondra sur le lit. Il était tellement fatigué qu'il n'eut même pas la force de retirer ses chaussures. Marine les lui ôta, il se rendormit... Après avoir dit à son ami entre deux bâillements « Fais-toi belle, oh, on est attendu pour 19h30, il faudra se mettre en route vers 19h. Réveille-moi un quart d'heure avant. » Marine eut un sourire. Qu'avait donc prévu son savoureux ? Sûrement quelque chose de chouette. Elle était vraiment intriguée. Elle prit donc tout son temps dans la salle de bain. Adam aurait l'occasion de dormir plus d'une heure trente. Elle espérait que ce serait suffisant pour le requinquer pour la soirée. Une longue douche, un shampoing et puis le grand drap de bain blanc dans lequel elle s'enveloppa. Elle avait un peu le temps de se blottir contre le jeune homme avant de se sécher les cheveux vraiment. Elle se pelotonna, cherchant comment se coucher sans le déranger. Elle passait les doigts délicatement contre le torse de son ami, tendrement, gentiment. Parfois, elle entendait sa respiration se précipiter un peu. Comme elle se sentait bien avec lui. Il avait un tempérament calme, ça, impossible de le nier. Cependant, elle ne le trouvait jamais fade, insipide. Non, il avait une vie intérieure riche. Cela se voyait quand il faisait quelque chose qu'il passionnait, ses mix par exemple, ou ses recherches d'effets sonores. Quand il composait, quand il jouait du sax, c'était vraiment un artiste. Mais pas dans le sens torturé, non, simplement habité par la musique et le son. Elle continuait de passer les doigts près de son cou. Elle n'aurait jamais osé aller jusqu'au visage. Elle aurait craint de le réveiller. Et ce n'était vraiment pas le moment. Elle se souvenait de leur première nuit. Cette nuit-là, c'est lui qui avait joué de ses doigts pour la faire décoller. Elle avait découvert son inexpérience avec attendrissement. Bien qu'ils n'y connaissent pas grand-chose, elle l'avait senti réceptif, attentif et curieux. Pas uniquement pour son plaisir à lui, mais également pour ce qu'il pouvait lui donner à elle. Elle avait trouvé cela formidable, le soin qu'il avait eu à lui faire l'amour. C'était un peu maladroit, mais très sensuel, et annonciateur de plaisir bien plus cru. Et voilà, c'était arrivé. Ils étaient ensemble depuis un petit moment, et leurs étreintes étaient devenues ce que chacun y cherchait. Cela alternait entre la douceur et le sexe un peu animal, dans une mesure et un dosage parfait. Ils s'étaient vraiment bien trouvés. L'attirance que Marine éprouvait pour son Adam s'était transformée en amour avec un grand A. Elle ne savait pas ce qu'il en était du côté de son ami, mais pour le moment, ils étaient bien ensemble et cela suffisait.